Science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. C'est, nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Mort ou pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs. C'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur Radio FM 93.1, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci d'être fait au rendez-vous de Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et David Dumoulin. Bonjour David Dumoulin. Bonjour Jean-Marc Galland. Alors depuis qu'on a retrouvé l'antenne, c'est plus un invité qu'on a, c'est pas deux invités qu'on a, c'est trois, c'est ça? C'est croissance exponentielle. C'est une espèce d'euphorie extraordinaire. Alors on a également avec nous ce matin Jonathan Platievix, bonjour Jonathan. Bonjour Jean-Marc. Alors ce matin, vous serez la cheville ouvrière d'une expérience unique, à Recherche en cours en tout cas, puisque vous êtes en charge de faire remonter les questions de nos auditeurs, questions venues de Twitter. Alors, auditeurs de Recherche en cours, si tant est que vous existiez, si vous avez un compte Twitter et des questions, c'est le moment ou jamais de sortir de l'ombre. Hashtag REC, R-E-C. On va aborder deux sujets aujourd'hui. Dans une trentaine de minutes, nous parlerons de neutralité de l'Internet avec Francesca Musiani, doctorante au Centre de Sociologie d'Innovation. Bonjour Francesca Musiani. Bonjour. Ça y est, vous pouvez accéder à un micro. Merci d'être avec nous et surtout n'hésitez pas à intervenir dans la première partie de l'émission, première partie qui va tourner autour d'une question unique. Bloguer ou pas, to blog or not to blog, quand on est un chercheur ou une chercheuse en sciences humaines et sociales. Alors pour nous aider à trancher ce dilemme, on a le grand plaisir de recevoir Pierre Mounier et Mélodie Faury. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre Mounier, vous êtes professeur certifié à l'EHESS, vous êtes directeur adjoint du CLEO, donc le CLEO c'est le Centre pour l'édition électronique ouverte, et vous êtes également co-animateur donc, de la plateforme hypothèse.org dont nous allons largement parler ce matin. Mélodie Faury, de votre côté, vous êtes doctorante en sociologie des sciences, on peut dire ça ? Pas vraiment en sciences de l'information et de la communication, mais dans un domaine qui inclut aussi de la sociologie des sciences, pardon, c'est les STS ou études de sciences. Voilà. D'accord, donc ça vous intéresse quand même la sociologie. Bien sûr. Alors, vous êtes aussi utilisatrice, contributrice, je ne sais pas comment on doit dire, d'hypothèse.org, et donc c'est à ce titre-là que vous êtes là ce matin. Alors, Francesca Musiani, il se trouve que vous êtes également active, présente sur hypothèse.org. Oui, c'est le cas. Donc vous êtes d'autant plus légitime pour participer ou vous immiscer dans la conversation. Alors, j'ai parlé de blogs sur hypothèse.org, mais en fait, ce n'est pas des blogs qu'on trouve sur hypothèse.org, c'est des carnets de recherche. On en trouve, je crois, près de 300. Alors, quel est le bon mot? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est des blogs ou est-ce que c'est des carnets de recherche? Pierre Mounier. Alors, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire, ce sont à la fois des blogs et des carnets de recherche. Pourquoi est-ce qu'il y a cette double dénomination? Tout simplement parce que lorsque nous avons commencé à créer la plateforme hypothèse.org pour les équipes de recherche en sciences humaines et sociales, lorsqu'on commençait à en parler aux chercheurs en particulier en leur disant « ce sont des blogs de sciences humaines et sociales, des blogs », le mot « blog » avait une connotation relativement négative dans l'esprit des gens auxquels nous nous adressions. C'est-à-dire que pour tout un nombre de chercheurs en particulier, « blog » renvoie à Skyblog, au blog personnel, au blog d'adolescents qui échangent des impressions ou qui discutent entre eux sur des plateformes comme Skyblog. Donc ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de leur dire, ok, c'est bien un mode de communication qui s'apparente au blog, mais dans un contexte professionnel de recherche et qui est complètement intégré aux pratiques de communication liées à la recherche. Et donc le terme, on a essayé de trouver un terme qui essayait de rendre compte de cette double affiliation, si vous voulez. Et du coup, le mot carnet de recherche est apparu parce qu'il s'apparentait assez fortement au cahier de terrain, par exemple, que les sociologues ou les anthropologues peuvent avoir, ou à ces carnets de notes que les chercheurs dans les différentes disciplines des SHS utilisent pour prendre des notes en cours de recherche. Et on s'est dit, c'est un peu ça, si vous voulez, mais que l'on rend public d'une certaine manière, et d'où l'utilisation du terme carnet de recherche. Mais je vous rassure, ce sont aussi des blogs. Alors, si on revient un petit peu sur en fait, l'historique de cette plateforme, donc vous l'avez co-créé en 2008, c'est ça ? Oui. Et là, quel genre d'obstacle, quel genre de réticence vous avez rencontré dans le milieu académique au moment de la création d'hypothèse.org ? Alors, les obstacles ont été assez peu nombreux, explicités en tout cas, de manière explicite. Peut-être d'abord, je voudrais un peu expliquer ce qu'on a voulu faire. Ça peut être un point important. Ensuite, je vous parlerai des obstacles qu'on a pu rencontrer dans un second temps. Mais dans un premier temps, on s'est rendu compte en 2008 de deux choses. Premièrement, qu'il y avait un certain nombre d'équipes de recherche ou d'équipes de chercheurs, mais aussi de documentalistes, de bibliothécaires, de tous les métiers de la recherche en SHS, qui se rassemblaient autour de projets de recherche sur des objets particuliers et qui avaient des besoins de diffusion sur le web d'informations sur l'actualité de leur recherche. Donc on a voulu répondre d'abord à ce besoin-là avec des équipes qui mènent des projets de recherche sur tout un tas de sujets et qui ont besoin d'avoir un site web très très simple sur lequel ils diffusent de l'information. Et donc le format blog est très, très pratique pour ça. Et on a voulu répondre à ce besoin. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voyait que dans la filiation ou à la suite, si vous voulez, du développement de la pratique du blog scientifique par nos amis physiciens, biologistes et dans tout un tas de disciplines des sciences dites dures ou expérimentales, il y avait de plus en plus de chercheurs en SHS qui commençaient à ouvrir des blogs personnels sur des plateformes grand public du type Blogspot, WordPress.com, 26 et d'autres plateformes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de leur dire: écoutez, plutôt que d'ouvrir votre blog de chercheur sur ces plateformes où l'information que vous diffusez est complètement noyée par tous les blogs personnels, justement, et où il n'y a pas de garantie en termes de pérennité sur l'information que vous diffusez, essayez plutôt de rejoindre une plateforme professionnelle, c'est-à-dire une plateforme qui est dédiée aux blogs de chercheurs en SHS, où vous avez un certain nombre de garanties et où votre travail est plus mis en visibilité et peut bénéficier d'une meilleure reconnaissance. Alors pourquoi est-ce que je parle de cette question de reconnaissance ? Parce que ça me permet de venir aux obstacles. L'obstacle essentiel auquel on est confronté, ou plutôt les critiques qui peuvent éventuellement être dites contre le développement de la plateforme Hypothèse et la pratique du blog en SHS, c'est que c'est une perte de temps pour le chercheur qui, en fait, va perdre du temps à rédiger des billets, alors qu'il ferait mieux d'écrire des articles dans des revues à comité de lecture classées. Et c'est ce qu'on nous dit souvent. Donc c'est une critique qui vient d'où ? Qui vous dit ça ? Il n'y a pas d'identification véritable. C'est ce qu'on entend de la part de chercheurs eux-mêmes qui parfois ont envie de bloguer, mais qui nous disent j'ai bien envie de bloguer, mais est-ce que c'est pas une perte de temps ? Est-ce que je vais pas perdre mon temps à faire ça alors que cette activité ne va pas être reconnue pour l'évaluation de mon activité scientifique et donc pour l'évolution de ma carrière ? Et ils ont bien envie de bloguer, si vous voulez, mais il y a bien un obstacle parce que il y a des injonctions qui viennent en particulier des organismes de recherche pour rationaliser et rendre plus efficace en quelque sorte leur activité scientifique et leur production scientifique dans des modes de communication qui sont bien balisés. Après, il y a quelques chercheurs en sciences de l'information et de la communication qui tiennent aussi ce discours. Donc c'est des discours qui viennent d'un peu partout, mais qui, je vous le rassure, sont assez peu nombreux en réalité. Ce qu'on pourrait se dire, si vous voulez, c'est qu'avec le développement de l'évaluation quantitative de la production de recherche en sciences humaines et sociales, en particulier le comptage de plus en plus important maintenant du nombre de publications des chercheurs en termes d'articles publiés dans des revues à comité de lecture, on pourrait se dire: bon, ça, c'est la mort d'Hypothèse, c'est la mort du blogging scientifique, de la pratique du blog pour les chercheurs en SHS. On pourrait se dire ça. Parce que perte de temps et parce que perte de temps, parce que voilà, il y a cette injonction, il y a ces cadres de plus en plus imposants et très forts pour cadrer l'activité du chercheur. Donc on pourrait se dire, ça va tuer, ça va stériliser complètement l'investissement des chercheurs dans d'autres formes de communication. Bon, la très bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est que nous avons à peu près une candidature par jour sur hypothèse.org, c'est que tous les jours nous avons des chercheurs et d'autres personnels de recherche qui sont très enthousiastes à l'utilisation de cette plateforme et qui... Alors, est-ce que je peux dire un mot, j'espère que ce n'est pas un gros mot, qui prennent du plaisir, qui ont du plaisir à écrire d'une manière différente leur recherche et à communiquer de manière différente sur leur recherche avec du plaisir. Et donc, j'espère que ce n'est pas un gros mot, mais c'est très important pour nous aussi. David ? Je voulais revenir sur la différence que vous faites entre les plateformes, disons, généralistes ou grand public et les plateformes comme hypothèse.org. Vous justifiez l'intérêt d'hypothèse avec l'idée, enfin, est-ce que c'est ça d'ailleurs, d'être directement lu par des pairs plus facilement plutôt que de se noyer dans le grand public ? Donc là, je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment le public qui différencie une plateforme grand public ou hypothèse ? Et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que ce type de plateforme leur permet directement de communiquer plutôt avec leur pair et donc d'abandonner un petit peu l'idée qu'il peut y avoir dans un blog plus généraliste, justement, d'interagir aussi avec le grand public ? Alors, pas tout à fait. Il y a deux aspects pour répondre à votre question. Il y a un premier aspect que vous n'avez pas évoqué, mais je tiens à évoquer, qui sont des aspects techniques. Les plateformes que je voudrais évoquer d'abord. Les plateformes grand public sont des plateformes qui ne garantissent aucune pérennité à l'information qui est diffusée sur ces plateformes. On a eu des exemples célèbres de plateformes que je ne citerai pas qui ont mis à jour leur logiciel. Le logiciel qui anime la plateforme à un certain moment, qui a, par exemple, cassé tous les liens internes de tous les blogs hébergés par cette plateforme et qui a fait disparaître, on va dire, la moitié des billets publiés depuis plus de X années sur ce type de plateforme. Alors, quand il s'agit de blogs personnels qui traitent de l'écume des jours, on va dire, pourquoi pas ? Bon, j'ai un doute quand même, mais pourquoi pas. Vous êtes bien pas. Méprisant sur non, les blogs personnels, Pierre Mounier. Non, j'ai dit pourquoi pas, parce que ce qui est intéressant dans ce type de blog, c'est la nouveauté, ce qu'il y a de plus récent. Mais un billet qui a été publié il y a plusieurs années sur un sujet qui est très lié à l'écume des jours, on voit que l'intérêt de ce billet, de conserver ce billet, est peut-être moindre, sauf pour des gens comme, par exemple, Booster Call de Internet Archive, qui cherchent à archiver, en fait, tous les contenus du web. Mais c'est une autre problématique. Nous, ce qui nous importe, c'est que sur les blogs de sciences humaines, il y a de l'information scientifique qui est diffusée. Et l'information scientifique doit être pérennisée. Et donc, c'est une des premières raisons pour lesquelles nous avons voulu développer cette plateforme pour garantir des termes en termes, pour garantir l'archivage et la pérennisation de l'information. Deuxième chose, technique aussi, les chercheurs en SHS qui publient des blogs sur hypothèse ont des besoins de fonctionnalités spécifiques, comme par exemple des gestions de notes de bas de page, la gestion de parties et de sous-parties, la gestion, l'interopérabilité avec des logiciels de gestion de références bibliographiques comme Zotero, que vous connaissez peut-être. Et évidemment, ça n'intéresse pas du tout 26. Donc vous voulez dire que les notes de bas de page, qui sont quand même un vilain défaut des sciences humaines et sociales, on arrive à les transposer sur un blog. Tout à fait. Et je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est un vilain défaut. Tout dépend de ce que vous trouvez dans la note de bas de page. Je pourrais vous donner des exemples de notes de bas de page particulièrement savoureuses, où, entre chers collègues, on s'exécute en notes de bas de page. Et c'est particulièrement réjouissant à lire parfois. Ou parfois, la note de bas de page, si vous voulez, ne renvoie pas forcément à une référence bibliographique seulement, mais elle peut le faire, mais elle peut aussi permettre de développer une écriture à plusieurs voix, avec quelque chose qui se dit dans le texte principal et quelque chose d'autre qui se dit dans la note de bas de page. Donc ne jetez pas l'opprobre, a priori, sur la note de bas de page qui peut être très intéressante. Okay. Je relève le défi, Pierre Mounier, mais alors juste, vous parliez d'affrontement via les notes de bas de page. Est-ce que sur hypothèse.org, on peut aussi se faire des ennemis ? Est-ce qu'on s'affronte ? Est-ce qu'il y a des querelles de chapelle, comme il y a dans la vraie vie ? Ou est-ce qu'on est tous unis, tous blogueurs, dans le monde des bisounours un petit peu ? Alors, je dirais que moi, pour ma part, j'ai assisté à quelques belles passes d'armes entre blogs, entre carnets de recherche sur hypothèse.org. Ça reste assez peu fréquent, mais j'ai assisté à quelques belles passes d'armes. Par contre, il y a un élément qui est assez intéressant. Vous avez un certain nombre de carnets de recherche, donc de chercheurs en SHS, qui publient des notes de lecture sur leur carnet, c'est-à-dire les notes qu'ils prennent lorsqu'ils sont en train de lire un livre qui a été publié sur leur domaine ou une série d'articles qui ont été publiés sur leur domaine dans des revues à comité de lecture. Dans les revues de sciences humaines et sociales, traditionnellement, vous avez la publication de ce qu'on appelle des comptes rendus de lecture. Mmh. Or, quand vous lisez les comptes rendus de lecture qui paraissent dans les revues à comité de lecture, dans les revues de sciences humaines et sociales, ces comptes rendus sont assez tièdes, on va dire, très descriptifs, assez peu critiques, en particulier dans le monde francophone et en particulier en France, où il y a une difficulté culturelle à accepter le dissensus et l'expression d'un différent de différentes positions scientifiques, en particulier par écrit, en vous commentaire. Voulez dire, ou... Pardon, par écrit. Oui, tout à fait, par écrit. Quand vous lisez les notes de lecture qui sont publiées par les carnetiers, alors les blogueurs, hein, moi j'appelle carnetier, carnetière aussi, carnetière. Mélodie Ferry, vous Mélodie êtes une carnetière. Tout à fait. Donc par les carnetiers sur hypothèse.org, ce sont des notes de lecture qui sont souvent plus incisives, plus percutantes, parce que le format blog, c'est-à-dire l'écriture du blog est plus court, donc il faut aller à l'essentiel, et souvent l'aspect un peu d'expression d'un dissensus est plus marqué. Donc voilà. Alors peut-être, c'est un point intéressant, de votre expérience, Mélodie Ferry, en quoi cette écriture blog modifie ou pas la façon de s'exprimer en sciences humaines et sociales? Alors je ne vais pas parler au nom des sciences humaines et sociales, mais vraiment en mon propre nom, d'expérience de doctorante. En fait, c'est tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Je trouve ça vraiment très intéressant, en plus de revenir aux intentions, parce que je suis venue après avec l'outil et voir qu'est-ce qui en est fait, qu'est-ce qu'on peut en faire dans sa pratique de recherche. Et je ne suis pas du tout rentrée en fonction des intentions de départ de la plateforme. Et du coup, c'est comme la note de bas de page, c'est-à-dire qu'il y a une norme d'écriture, une norme de communication qui se met en place dans un domaine, qui est dans le domaine des sciences humaines, par exemple, qui peut avoir son intérêt ou pas selon ce qu'on en fait, mais c'est exactement la même chose pour les carnets. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on s'approprie un outil, un format, donc le billet, il peut se passer des choses intéressantes ou moins intéressantes. Donc en fonction du fait qu'on le considère comme partie prenante de sa pratique de recherche ou comme un outil de communication ou encore comme un mode de mise en lien, on ne va pas en faire la même chose. Et je trouve qu'il y a quasiment, enfin si vous allez vous promener sur les différents carnets d'hypothèses, il y a quasiment autant d'appropriation que de carnets. Alors c'est peut-être pas dans une diversité très forte à chaque fois, mais c'est assez intéressant de voir qu'effectivement il y a des gens qui vont structurer autour d'un projet toute la communication entre eux, dans un groupe, dans une équipe, mais pas qu'entre chercheurs. C'est ça aussi qui est un des intérêts que j'y vois, moi, c'est qu'on n'est pas qu'entre soi, on n'est pas qu'entre chercheurs, y compris pas qu'entre soi en discipline. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais voilà. Alors peut-être juste un point, est-ce que tous les carnets sont des carnets individuels ou est-ce qu'il y a des carnets d'équipe également? Justement, il y a aussi ça qui est très intéressant, c'est de voir si, est-ce qu'un carnet est le carnet d'un chercheur, donc on va pénétrer finalement dans son univers de recherche, dans toutes ces questions, beaucoup plus vite. Enfin, on va prendre la mesure de la complexité d'un travail qui est fait en recherche dans un carnet individuel beaucoup plus vite que quand on se rencontre comme ça de visu. Il y a une espèce de rencontre vraiment forte, intellectuellement parlant, qui se fait quand on se rencontre de carnet de chercheur à chercheur, avec toutes les références qui sont mobilisées, tous les cadres de référence y compris, tous les modes d'interrogation disciplinaire, etc. Et il y a les carnets collectifs qui sont une autre aventure, c'est-à-dire qu'un carnet collectif, c'est difficile à mettre en place. J'aime bien expérimenter plein de formes différentes, donc j'ai un peu une boulimique des carnets en ce moment. J'ai ouvert plein de trucs, mais pour voir un peu comment ça peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer. Et les carnets collectifs, ça demande de s'entendre sur une ligne éditoriale assez vite, plus vite peut-être que quand on est seul à faire un carnet où on se cherche dans un premier temps et la ligne éditoriale se construit progressivement. Et donc souvent, ça accompagne des vrais projets et ça, c'est important. C'est-à-dire que pour moi, ça ne surajoute pas. Si on considère comme partie prenante de la recherche, ce n'est pas une perte de temps dans le sens où c'est intégré dans la pratique et ça s'articule avec des pratiques réelles, entre guillemets. Réelles. Voilà, dans le sens, d'accord. Pour moi, c'est aussi réel que le reste, c'est-à-dire que je rencontre des gens que je vois après en vrai et les projets soit précèdent, soit suivent ce qui se passe dans les carnets. Donc, pour moi, ça fait partie intégrante de la recherche, enfin, de ma recherche en tout cas. Clairement. Alors, écoutez, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nous avons un premier commentaire sur Twitter. Jonathan. Alors oui, effectivement. Donc, misanthropologue souligne la voix particulièrement radiophonique de Infusoire. Infusoire, c'est Mélodie Ferry. Bon, c'est pas encore une question, mais on a déjà un commentaire sur Twitter. C'est super. Vous êtes toujours sur Aligre FM à l'écoute de Recherche en cours, émission ce matin consacrée au blog et ou carnet de recherche en sciences humaines et sociales. On reçoit Pierre Mounier et Mélodie Faury. Alors on a parlé du carnet, de la plateforme, hypothèse.org. On a commencé à parler un petit peu de ses usages et de la question de l'appropriation par les chercheurs en sciences humaines et sociales de cet outil. Pierre Mounier, est-ce que vous auriez des exemples d'appropriation diverses de l'outil ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Mélodie Faury, qui me semble vraiment très très important. Lorsqu'on a ouvert la plateforme hypothèse.org, on avait, nous, l'équipe du Centre pour l'édition électronique ouverte, on avait en tête un modèle de blog scientifique que l'on voit à peu près. On voit ce que c'est à peu près un vrai blog scientifique. Et bien sûr, on a eu quelques blogs correspondant à ce modèle qui ont commencé à s'ouvrir. Mais très très vite, on a eu des candidatures venant de chercheurs ou d'équipes de recherche qui nous ont fait des propositions éditoriales assez différentes de ce modèle. Et ce qui était la preuve qu'ils se sont appropriés à l'intérieur de leur pratique de recherche elle-même cet outil. Alors pourquoi faire ? Par exemple, on a eu très très vite des gens qui animent un séminaire de recherche et qui ont trouvé très utile d'ouvrir le carnet du séminaire sur lequel ils peuvent diffuser de l'information sur les différentes séances du séminaire, éventuellement mettre à disposition l'enregistrement audio des différentes séances du séminaire, mettre les PowerPoint des intervenants, présenter les intervenants, mettre la biblio du séminaire et ainsi de suite. D'accord, donc ça c'est plus autour d'un événement. Voilà. Du coup, c'est un carnet collectif. Des carnets de projets de recherche. On en a pas mal qui se sont aussi développés. On a des centres de documentation ou des bibliothèques de recherche qui ont ouvert des carnets pour valoriser et communiquer sur leurs fonds ou sur leurs activités. Donc pour diffuser de l'information sur ce qu'ils font, mais aussi, par exemple, lorsque une bibliothèque a un fonds qui peut être numérisé, pour valoriser certains exemples de leur fonds, certains documents particulièrement intéressants de leur fonds, la bibliothèque universitaire de Lyon 1 et la bibliothèque René Diderot, de l'ENS ont un carnet sur hypothèse dans ce sens. On a des gens qui ont des projets de publication de livres, par exemple. Quand on commence à avoir un projet de publication de livre, entre le moment où on commence et le moment où le livre est publié, il se passe souvent plusieurs années de recherche, en fait. Et il y a des gens qui ont ouvert des carnets de recherche accompagnant ce projet de publication, avant la publication et après la publication du livre. Parce qu'une fois que le livre est publié, évidemment, on peut faire des mises à jour, diffuser de l'information supplémentaire et dialoguer avec ses lecteurs. L'aspect de dialogue est très important. On a des institutions de recherche, des instituts de recherche, comme l'Institut français du Proche-Orient, qui, par exemple, c'est un institut de recherche qui est basé à Damas, Amman et Beyrouth, et qui rassemble un nombre assez impressionnant de chercheurs dans toutes les disciplines des SHS sur le Moyen-Orient. Eh bien, ils ont créé ce qu'ils appellent le carnet de l'IFPO, où, dans lequel des chercheurs de différentes disciplines sont invités à venir parler de leurs recherches. Vous voyez, tout un tas d'exemples, cette efflorescence de différentes cas d'usage et cette appropriation par les milieux de la recherche de cet outil de communication. Donc clairement, c'est des usages que vous n'aviez pas anticipés. Exactement. Auxquels vous n'aviez pas pensé. Et d'ailleurs, on s'est un peu posé la question à un moment. On s'est dit, est-ce qu'on va les interdire ou pas ? Est-ce qu'on va... on s'est vraiment posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on va rester sur le modèle idéal du blog scientifique ou est-ce qu'on va autoriser toute cette diversité d'usages ? On a fait le choix de les autoriser et je m'en félicite aujourd'hui. Je crois que Francesca Luciani, vous avez un autre exemple d'usage inattendu. Oui, c'est ça. Je me faufile un instant dans cette première partie pour apporter mon expérience parce que je fais partie d'un projet de recherche qui s'est servi d'un carnet hypothèse pour y construire le premier livrable, donc le premier produit qui devait sortir du projet comme sous la forme du portail web du projet. Et donc du coup on a pu construire sur ce carnet de manière assez rapide une multiplicité d'usages qui étaient à la fois des billets de blog plus classique, mais aussi le début d'une base de données bibliographique et aussi un catalogue d'images sur notre objet de recherche qui est représenté de plusieurs façons. Alors ça, je crois que c'est une autre chose que vous évoquiez, Pierre Mounier, en préparant cette discussion, c'est que pour décrocher un projet ANR, c'est bien d'avoir sa plateforme plutôt en amont sur... son blog sur hypothèse.org, non ? Alors... Lorsque des équipes de recherche se forment et déposent des projets à l'ANR, l'ANR souvent demande qu'il y ait une forme de valorisation des résultats de recherche que l'agence finance, ce qui me semble assez normal. Donc là, une des réponses possibles, bien sûr, il y a les publications, etc. Mais une des réponses possibles, c'est avoir le site web du projet de recherche en aval qui va diffuser de l'information. Après, il y a des gens peut-être un peu plus malins qui se disent, mais pourquoi pas, après tout, commencer à faire une sorte de publicité autour de mon projet de recherche avant même de déposer le projet de recherche à l'ANR. Et donc, il y a des équipes de recherche qui commencent à ouvrir le carnet de recherche dès le début, en fait, de leur projet, dès la conception de leur projet, et qui commencent à diffuser de l'information sur cette démarche-là. Et du coup, c'est assez intéressant, parce que du coup, lorsque ces équipes viennent devant l'ANR pour demander des financements, il y a déjà quelque chose qui peut être montré. Je crois qu'une des difficultés des recherches en SHS, c'est que si on s'en tient aux formes traditionnelles de communication, il y a des longs moments pendant lesquels on ne voit absolument rien. C'est-à-dire qu'entre le moment où un chercheur ou une équipe de recherche commence sa recherche et le moment où il y a une publication sous forme de livre ou d'article, c'est plusieurs années pendant lesquelles on ne voit rien de l'extérieur. Alors il y a des présentations en séminaire, etc., mais ça reste très très très interne. Un des intérêts de la pratique du blog en SHS, alors je reviens cette fois-ci de manière plus générale sur la notion de blog, c'est que vous pouvez diffuser du coup de l'information très très tôt et rendre public tout le travail de préparation de la recherche en train de se faire. D'accord. Ceci dit, pratique du blog, quand on pense blog, on imagine aussi rapport au grand public, entre guillemets, s'il existe, en tout cas à une communauté de non-chercheurs, non-académiques. Est-ce que c'est le cas sur hypothèse.org ? Est-ce que une partie des interlocuteurs, des gens qui lisent ou des gens qui commentent, n'appartiennent pas au monde académique ? Il me semble qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de public dans Hypothèse. Ça dépend de ce qu'on considère. Il y a la plateforme, qui est en fait une plateforme qui réunit, je pense, mais ça, je n'ai pas les statistiques à l'appui ou quoi, mais les chercheurs qui, en fait, peut-être vont régulièrement voir les derniers blogs qui sont agrégés sur la page d'accueil d'Hypothèse. Il y a la plateforme, donc il y a les carnets eux-mêmes qui ont eux-mêmes des publics différents et qui ont leur propre vie indépendamment de la plateforme. C'est-à-dire que la façon dont un carnet est mis en relation avec d'autres sites, d'autres acteurs, qu'ils soient de la recherche ou non, ça dépend du carnet lui-même et pas de la plateforme. Et puis il y a la vie d'un billet aussi, qui est une vie indépendante parfois, qui donc a un statut de publication sous une autre forme qu'une publication d'article, mais qui du coup va aussi circuler dans d'autres réseaux qui ne sont pas forcément ceux de la plateforme. Donc pour moi, les publics, c'est les chercheurs, mais pas seulement. Effectivement, c'est n'importe qui se promène sur Internet et qui tape les bons mots-clés pour arriver sur un carnet. Puis c'est aussi parfois les étudiants, par exemple, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en lien avec ce qu'on fait en recherche-enseignement. Les étudiants vont aussi être amenés à venir voir de quoi parle leur enseignant, quel est en fait les autres travaux sur lesquels ils travaillent, etc. On peut aussi mettre ses cours en ligne si on a envie. Enfin, il y a pas mal de possibilités en fait au niveau des publics. Et effectivement, grand public, c'est possible. Et surtout le côté interdisciplinaire, encore une fois, moi j'insiste là-dessus, c'est que je trouve que ça nous sort encore une fois de l'entre-soi en fait, ce type d'outils. Et on revient à ce qu'on fait de manière différente et souvent enrichie. Donc voilà, les différents publics que j'envisage moi. Enfin, vous êtes fan, hein, définitivement. Je suis fan, mais pas pour autant non critique, dans le sens où ça a ses limites, c'est comme tout outil, ça dépend de ce qu'on en fait, c'est comme Twitter, comme vous l'utilisez aujourd'hui. C'est toujours important de se demander pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise et quel statut ça prend dans une pratique plus large qui est la pratique de recherche. Donc je ne suis pas non plus fan absolu, dans le sens où ça dépend de la tendance que ça prend, ça dépend de la forme que ça prend, etc. Mmh. Ouais. Jonathan, vous avez une question, je crois. Alors, effectivement... je me demandais en fait si à partir du moment où les blogs commencent à être plus lus que les publications à comité de lecture, est-ce que ça ne peut pas en fait finalement diminuer l'importance des publications on va dire à comité de lecture et peut-être même tuer le système de publication, voilà. Qui veut ? Alors moi j'ai une position assez arrêtée là-dessus. Il y a une différence assez forte et assez fondamentale aujourd'hui entre des formes de communication qui sont peer-reviewed, c'est-à-dire revues par les pairs, qui font l'objet d'une validation formelle par expertise scientifique, et là ce sont les revues à comité de lecture, et des formes que l'on va appeler de communication scientifique directe, hein, qui n'ont pas ce processus de validation formelle. Donc là, si vous voulez, la popularité ou la fréquentation ne fait pas grand-chose à l'affaire sur cette différence-là. Donc je ne vois pas le blog, cette forme de communication, remplacer à court terme en tout cas, d'autres formes de publication qui ont leur intérêt et dont on a absolument besoin. Parce que, c'est, si vous voulez, le processus de révision par les pairs et de validation de l'information stabilise une information. d'accord ? Et en fait une connaissance en réalité, qui va être éventuellement remise en cause bien sûr, mais en fait une connaissance stabilisée. La plateforme elle s'appelle hypothèse.org, c'est pas pour rien. Ce sont des hypothèses. Et donc là, il y a. Et on en a besoin aussi de pouvoir discuter, de pouvoir lire les hypothèses. Donc les deux, pour moi, se complètent très, très bien. Alors, donc on se retrouve avec une plateforme, 300 carnets de recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Est-ce qu'on peut utiliser cet outil ? Alors, au-delà des usages individuels hein, dont on vient de parler, bloc par bloc, si on regarde ça d'en haut, est-ce qu'il y a des choses à faire, des sortes de méta-analyse sur tout le contenu présent sur hypothèse.org ? Est-ce que vous avez des idées ? Enfin, c'est juste un petit embryon de réponse, c'est simplement qu'il y a déjà des petites analyses qui ont été faites, alors j'ai pas la connaissance de toutes, mais notamment des liens qui existaient entre les carnets, donc l'hypothésosphère, peut-être Pierre on pourra en dire plus, je sais pas exactement dans quel cadre, si c'était juste un coup d'essai comme ça ou si c'était plus large. Après, c'est vrai que, en tout cas, à titre personnel, je serais très intéressée de voir une étude sur les différents types d'écritures qui se mettent en place dans Hypothèse. Collective, individuelle, parce que si vous allez vraiment, promenez-vous sur les carnets, vous verrez qu'on passe d'un opposé à l'autre, et c'est les formes que ça prend. Et Pierre disait, par exemple, que certains blogs scientifiques, la dernière fois, jeudi dernier, à Sciences Sociales 2.0, que certains blogs scientifiques prenaient la même importance en termes de construction intellectuelle qu'un livre. Et c'est effectivement le cas, à mon avis, sur un certain nombre de carnets. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Et quel rôle ça va jouer à ce moment-là ? Enfin, voilà, le statut du carnet dans la pratique de recherche, moi, c'est ça qui m'intéresserait. D'accord, réflexif. Pierre Mounier ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je compléterai par une autre dimension qui peut être intéressante. On a 300 carnets de recherche aujourd'hui. Nous espérons en avoir de plus en plus. Et si vous voulez que cette pratique de la communication scientifique par l'intermédiaire des blogs en SHS devienne, je dirais pas mainstream, mais quelque chose comme ça, c'est-à-dire courante, banale d'une certaine manière. Si ça arrive, c'est-à-dire si un nombre grandissant de chercheurs ont un blog, un nombre grandissant de projets de recherche et d'équipes de recherche ont un blog et diffusent de l'information sur ce qu'ils sont en train de faire, de structures de recherche de la même manière, alors que devient hypothèse.org ? Ça devient un formidable observatoire en temps réel de la recherche en train de se faire en SHS. Et alors les méta-analyses qu'on pourrait faire là-dessus, on peut les imaginer très simplement, c'est repérer des experts, par exemple, sur un domaine, et donc dégager des formes d'expertise, repérer les hot topics, c'est-à-dire les sujets qui font l'objet de beaucoup de recherches ou de beaucoup de discussions ou de commentaires au moment où ça se passe. Et donc vous avez en quelque sorte un observatoire, une base de connaissances qui est en train de se construire et qui est vraiment très très importante. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier, et c'était la question que vous me posiez tout à l'heure à laquelle j'ai pas totalement répondu, l'intérêt d'une plateforme comme celle-ci pour un public non professionnel, pour un plus large public. Vous me disiez, oui d'accord, mais alors du coup, si on a une plateforme autonome, on reste dans son entre-soi et c'est peut-être moins intéressant que d'avoir des blogs dans des plateformes grand public où l'information scientifique va percoler, va diffuser auprès d'un grand public et avoir un public non professionnel. Je crois quand même que c'est quand même le cas et c'est quand même intéressant d'avoir une plateforme professionnelle qui va être lue et utilisée aussi par un public non professionnel. Et pour appuyer ma démonstration, je voudrais juste vous donner une petite liste des 10 derniers billets qui ont été mis à la une du portail hypothèse.org aujourd'hui. Je peux ? Allez, c'est parti. Alors, premier billet, vous avez un billet qui porte sur les chaînes exégétiques de l'Ancien Testament dans le monde grec byzantin. Deuxième billet, vous avez une polémique sur l'utilisation que le Figaro magazine a fait de l'œuvre d'Alain Corbin, célèbre historien. Troisième billet, vous avez un billet sur l'anthropologie de la danse. Quatrième billet, vous avez un billet d'analyse en sciences politiques sur les relations entre la Turquie et la Syrie en ce moment. Je suis perdu dans mon compte, mais je continue. Vous avez le billet suivant va traiter de la linguistique des prénoms. Il est fait en particulier par Marianne Pavot sur son carnet La pensée du discours. Vous avez un billet sur les questions de gestion et les enjeux politiques de la gestion de l'électricité au Liban. Vous avez un billet sur l'histoire de l'intégration européenne. Vous avez un billet, le billet qui suit porte sur l'arithmétique maya. Le billet qui suit porte sur l'évaluation des dispositifs participatifs dans les controverses politico-scientifiques. Le billet qui suit porte est une analyse du dessin d'un enfant de 11 ans, juif, qui en 1925 a dû émigrer d'Allemagne vers l'Uruguay et qui a dessiné une carte de sa migration, de son odyssée, depuis l'Allemagne jusqu'à l'Uruguay. Alors, vous voyez cette diversité, donc... Est-ce que vous l'avez tous lu, Pierre Mounier ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est passionnant. C'est ça un peu aussi le message que je voudrais faire passer. C'est, si vous voulez ouvrir les écoutilles et avoir un magnifique bouquet de la diversité de la réalité humaine, mais hypothèse.org est un très bon moyen de le faire, parce que les médias un peu généralistes, on voit, ils tournent en boucle. Hein, sur les mêmes sujets. Alors on est tous là sur le triple A, et puis le fait divers, et puis le fait divers, etc. Donc les médias généralistes ont tendance à faire un entonnoir sur les sujets de préoccupation des gens. Ici, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que la recherche en sciences humaines donne un très bel aperçu et rend compte de la très grande diversité de la réalité humaine et dans tous ces sujets. Et c'est ça que je trouve passionnant. Donc, mort au triple A et vive l'arithmétique chez les Mayas. Tout à fait. On peut faire l'arithmétique Maya du triple A, ça peut être intéressant. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. 2, 3, 4. Vous êtes sur Aligre FM à l'écoute de Recherche en cours, deuxième partie de cet entretien, de cette émission, qu'on reçoit Francesca Musiani. Francesca Musiani, vous êtes doctorante au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines ParisTech. Et vous avez coécrit avec Valérie Schaeffer et Hervé Lecronier La neutralité du net, un enjeu de communication aux éditions du CNRS. Alors, Francesca Musiani, avant que vous nous expliquiez ce que c'est que la neutralité du net, est-ce que peut-être on pourrait commencer par... Qu'est-ce que ça n'est pas, la neutralité du net ? Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette notion. Oui, en effet, la notion se prête à une quantité de signification, donc il vaut mieux éliminer toute ambiguïté. Surtout que dans le contexte de l'Internet, il arrive souvent de parler de neutralité quand on parle, par exemple, du projet Wikipédia, en insistant sur le fait que les textes de Wikipédia doivent avoir un ton neutre et encyclopédique dans la mesure où ils doivent être équilibrés et comporter une pluralité de points de vue et être bien référencés. Donc, c'est pas de ça qu'on parle, alors. Et ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas non plus de la neutralité au sens de médiation ou presque au sens du droit international où on aurait la nécessité d'avoir la figure du médiateur qui reste neutre par rapport aux participants à la médiation, on ne parle pas de ça non plus, et on ne parle pas non plus des significations presque mathématiques que le terme peut avoir. D'accord, donc le suspense est grandissant, donc de quoi on parle quand on parle de neutralité quand de l'Internet ? Quand on parle de neutralité du net ou neutralité du réseau, en fait, on parle d'un principe fondateur de l'Internet, selon lequel il faut exclure toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu des données qui circulent sur Internet. Donc il s'agit en quelque sorte d'un principe qui concerne les tuyaux de l'Internet, l'infrastructure de l'Internet, presque. Parce que justement il a à voir avec le fait que toutes les données qui circulent doivent avoir un traitement égalitaire à tout moment de leur transmission. Ok, donc finalement, vous nous dites que c'est une question de tuyaux, quoi. Donc, on commence par une question de tuyaux pour rejoindre toutes sortes de débats. Alors voilà, pourquoi une question aussi technique que ça ? Donc si j'ai bien compris, c'est de dire que tous les paquets d'informations qui circulent sur Internet doivent avoir le même statut, qu'il n'y ait pas de prioritaire par rapport à d'autres. C'est le cas. J'ai bien compris, en gros, c'est ça ? Exactement. Donc, a priori, question complètement technique. Oui. Ça doit être l'affaire de quelques geeks dans un coin. Alors pourquoi ça devient un sujet de débat public ou peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde en tout cas, prend position sur cette notion de neutralité du net. Oui, de plus en plus, cela arrive en France dans les derniers 6 mois, je dirais surtout. Il y a eu de nombreux exemples de tentatives de régulation et de vifs débats publics au sujet. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce petit livre qui est sorti en septembre a particulièrement raison d'être à ce moment, je trouve. Donc, il s'agit d'un enjeu économique, politique et social parce que la manière dont les données circulent sur l'Internet, il y a quelqu'un qui fait circuler ces données et il y a quelqu'un qui en détermine le type, le format et tout ça. Donc, il y a tout d'abord les fournisseurs d'accès à l'Internet, les opérateurs télécoms, qui bien sûr doivent gagner leur vie en faisant circuler ces paquets et qui également doivent investir dans l'infrastructure qui les fait circuler. Donc ça, eux, ils défendent la neutralité ou plutôt l'inverse ? Non, en fait, généralement, la position des grands opérateurs télécoms serait actuellement de faire repartir les coûts qu'au moment actuel, ils disent, au moins, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils disent qu'ils soutiennent entièrement les coûts de l'infrastructure pour gérer ces données. Mmh. Et donc, ils plaident pour une répartition de ces coûts. Soit il plaide pour un principe de justement discrimination de certains protocoles, notamment de ces protocoles protocoles de transmission des données qui par exemple le protocole peer-to-peer qui comporte une circulation de données lourde, si on d'accord, veut. Ça bouffe de la bande passante. Alors je crois j'ai vu passer une notion, un mot qui me semblait très joli, qui est la notion de net goinfre. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un net goinfre ? Un net goinfre est justement une... on appelle les net goinfres les données qui les types de données qui en fait pas les types de données mais les services qui sont goinfres en bande passante, c'est-à-dire qui nécessitent d'une grande quantité du canal de transmission pour faire circuler ces types de données. Donc on parle notamment des applications des sites qui proposent des vidéos. Par exemple, des flux vidéo qui sont notamment assez gourmands en bande passante. Ok, donc on a d'un côté, donc on l'a compris, les fournisseurs d'accès, oui. Pour le dire vite. Alors qui s'oppose à ça ? Qui défend alors, la sacro-sainte neutralité du net ? Il y a justement les services à la Google, Facebook, etc., qui sont particulièrement dans l'œil du cyclone par rapport aux opérateurs télécoms, parce qu'ils sont les acteurs qui, à un instant des opérateurs télécoms, devraient partager les coûts des investissements dans les infrastructures, justement parce qu'ils sont ceux qui donnent ces net goinfres. Ils donnent ces... Donc eux, ils sont plutôt pour garder la neutralité du net. La réponse est assez complexe. Disons que ceux qui défendent vraiment le principe de la neutralité du net, c'est surtout des associations de sociétés civiles et des organisations de consommateurs et de clients des services Internet qui... on va citer la quadrature du net ou l'UFC que choisir, par exemple, qui porte à un niveau presque quasi juridique la tutelle de la neutralité du net, parce que selon leur position, garder la neutralité du net répond à un principe de liberté fondamentale, presque un accord avec le fait que l'Internet serait un droit de la personne humaine et que avoir des acteurs intermédiaires qui coupent ou diminuent ou discriminent, c'est un mot qu'on utilise souvent, l'accès à certaines données plutôt que d'autres ou les rendent moins transparentes, les filtrent. Et il s'agit là d'une série d'atteintes à ces libertés. D'accord, donc là, on touche à des choses très importantes, mais j'arrive quand même pas à voir en quoi ça nous concerne tous, cette histoire-là. Je vois bien qu'il y a des valeurs qui sont mises en avant, hein, de libre accès à la données, mais pratiquement, si la neutralité du monde, du net s'effondre là, demain, qu'est-ce qui va se passer pour l'internaute lambda ? Il s'agit vraiment d'avoir, pour l'internaute lambda, quelqu'un d'autre qui décide du type de contenu et du type d'accès que chaque utilisateur peut avoir au réseau. Mmh. Donc, ça nous concerne tout ça à fait. Ça nous concerne, on est sûr. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une question qu'on doit souvent vous poser. C'est un peu, je dirais presque l'envers de la question de la neutralité. C'est celui de la standardisation des données. Mm-hmm. Et je pense derrière, il y a une interrogation qu'on pourrait dire fondamentale sur ce que c'est que la démocratie. Puisque le standard pour faire circuler au niveau mondial, il faut en effet qu'il y ait des standards communs. Et donc, il faut qu'il y ait réduire une forme de diversité à des valeurs communes qui peuvent circuler. On sait tous, par exemple, que les alphabets sont complexes et que souvent dans les bases de données, il y a des gros problèmes parce qu'on simplifie des langues pour les rendre interopérationnelles entre bases de données. Et donc, par exemple, dans les problèmes des grosses bases de données, on se rend compte qu'il y a des erreurs qui sont faites à cause de ça parce que tout simplement, là, c'est l'infrastructure numérique, c'est pas forcément le net lui-même, mais il y a une standardisation. Pour la musique, pour les photos, on sait très bien qu'on voit des images de plus en plus de basse qualité, qu'on écoute de la musique de plus en plus de basse qualité. Donc, il y a toute cette idée de réduction, finalement, d'une diversité. Est-ce que c'est lié, selon vous, comment on peut articuler ça, l'espèce de standardisation générale de ce qui circule, avec la neutralité du net ? Oui, je dirais que c'est l'un des nœuds de la controverse sur la neutralité du net, si on veut. C'est justement de savoir où est la frontière entre une certaine standardisation des contenus qui circulent et des canaux au moyen desquels ils circulent, et une discrimination véritable, c'est-à-dire que il y a déjà un certain nombre d'opérations qui ont porté entre guillemets atteinte à la neutralité du net dans la mesure où on a déjà pris des décisions et on a fait des régulations qui ont porté à une standardisation. Alors, justement, il y a certains points controversés sur où la frontière se pose entre ces deux aspects. Merci beaucoup, Francesca Luciani. Je rappelle le titre de votre livre, La neutralité du net, un enjeu de communication, c'est aux éditions du CNRS. Toujours sur IGFM, à l'écoute de Recherche en cours. David, vous avez un événement à nous annoncer. Deux événements peut-être. L'un qui est d'ailleurs lié à notre dernière intervenante, puisque une des personnes qui a coécrit ce livre, Madame Schaeffer, intervient bientôt dans un colloque le 7 décembre, donc à Paris. C'est un colloque qui s'appelle Les chercheurs dans les controverses, réflexion sur 8 controverses entre sens et société. Donc évidemment, c'est un thème qu'on a largement abordé ici à Recherche en cours. C'est presque un domaine entier maintenant des sciences sociales, qui a été créé par des grands fondateurs. Et en France, on avait accueilli par exemple Francis Château-Renaud qui travaille beaucoup sur ce type de problématiques. Et il va y avoir une forme de panorama avec 8 controverses abordées, les OGM, le changement climatique, les nanotechnologies, les perturbateurs endocriniens, les ondes électromagnétiques, les cellules souches, l'hyperactivité infantile et la gouvernance de l'Internet. Alors c'est une journée qui se déroule à l'Institut des sciences de la communication, à l'ISCC, voilà. Et qui va déplier ces 8 controverses avec, en tout cas je l'espère, des discussions et des controverses sur le terme même de controverse et la manière de l'aborder. En tout cas, l'Institut des sciences de la communication donc, s'est fait un petit peu une place sur ces discussions-là, puisqu'il y avait un colloque précédent sur l'expertise et les sciences. Pour ceux qui sont intéressés par les controverses, il y aura une forme de synthèse sur l'analyse des controverses. Je vais vous parler de complètement autre chose. Il s'agit de la conférence Rio plus 20, dont les dates ont été dépassées, je ne sais pas si vous connaissez. C'est cette conférence qui va prendre 20 ans après la conférence de Rio, donc 1992, un petit peu l'état de la planète 20 ans après, avec tous les gouvernements, très nombreuses ONG, enfin un grand nombre d'acteurs du monde entier seront présents. Je voulais juste vous dire que les dates avaient changé, ça devait être début juin, ça va être finalement déplacé au 20-22 juin à cause d'un épisode assez intéressant. En fait, le gouvernement anglais s'est plaint auprès de Dilma Rousseff, donc la présidente du Brésil, que cet événement, qui devait se tenir entre le 4 et le 6 juin, avait lieu exactement aux dates de la célébration du jubilé de la reine d'Angleterre. Et étant donné que tous les présidents, les 54 chefs de gouvernement du Commonwealth devaient être présents, c'était pas possible. Et donc, pour le coup, les dates de Rio +20 ont été changées pour le 20 ou 22 janvier. Juin, c'était quand même important, ce jubilé de la reine, par rapport à l'idée de discuter du développement durable de la planète et les enjeux pour l'humanité. Cela dit, derrière cette ironie, je crois que Dilma Rousseff a en fait négocié derrière, c'est quand même l'idée, ce qu'on dit en tout cas, une évolution de l'agenda, et que ce n'est pas purement se mettre à genoux devant le Commonwealth. En fait, aujourd'hui, les deux agendas, c'est Green Economy et Institutional Framework for Sustainable Development, donc des thématiques assez classiques quand même, disons, sur le développement durable. Et je crois que le gouvernement brésilien veut essayer d'introduire de nouvelles thématiques, un peu plus, disons, écologie politique. Voilà, vous trouverez beaucoup d'informations, soit sur le site de l'ONU, soit sur le collectif France-Rio20.net. Enfin voilà, il y a plusieurs sites en France qui rendent compte de l'organisation qui est en train de faire en France pour partir à Rio +20, donc en juin. Ok, on reprendra toutes ces références sur le site de Recherche en cours. Jonathan, très vite, dernier événement à nous signaler. Petite annonce, alors en fait, il y a ce soir, donc à partir de 17h30, il y a les portes ouvertes à l'Institut du Système Complexe, rue Lomont. 57 rue Lomont, et il y aura en fait toutes les activités qui se font là-bas, donc ce sera les travaux sur l'embryogenèse, les blogs, les réseaux sociaux à travers Internet, et puis d'autres choses en fait qui ont lien avec ces thématiques. Ok, merci beaucoup Jonathan, merci encore à nos trois invités du jour, Pierre Mounier, Mélodie Foury et Francesca Musiani. Merci à Sven Deschartes à la réalisation. Vous retrouverez toutes les références donc sur le site de Recherche en cours, rechercheencours.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain Recherche en cours le 11 décembre, c'est ça David? Tout à fait. En attendant, vous retrouvez le sémillant Gilles Bougarel et son émission Brasil Alto Astral. À bientôt.